aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Aujourd'hui, je suis avec Victor. Bonjour, Victor. Salut, Jade. J'espère que vous êtes bien installé dans votre siège numéro 42 parce qu'on va parler de Cannes et on va revenir sur quelques actus ciné du mois. Aujourd'hui, on rattrape le mois de mai. Good morning, winner. Take a deep breath. Visualize the mountain of your success and look down at everyone who's ever doubted you. Fuck those losers. Fuck them in their stupid fucking faces. Oh shit. Woo. Are we gonna go to school or? Nope. What's 2 plus 2? Isn't it crazy that it's the last day of school? Are you kidding me, Samantha? No, she don't want you to come in. No quiero ir al colegio. Quiero quedarme aquí. Cuidado, que niño. Eres muy novelero. No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, ven aquí. Sí. Cada película tuya era un acontecimiento. Je voulais pas écrire pour des politiques de merde, je voulais écrire pour toi. Le public n'acceptera jamais une union aussi contre nature, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. On est dans Pretty Woman, mais c'est elle, Richard Gere, et toi, t'es Julia Roberts. Je veux vraiment calmer le jeu et éviter tout risque d'une partielle ou totale humiliation. Alors, ce mois-ci, le mois de mai, le meilleur mois de l'année parce qu'il contient mon anniversaire, l'Eurovision et le Festival de Cannes. Et on va revenir que sur un seul de ces événements, le Festival de Cannes. Et je te laisse, Victor, nous parler de ce festival et de son palmarès qu'on a eu il y a une semaine. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire. Merci. Et oui, c'est le meilleur moment de l'année pour les amoureux de Cinoche. Ceux qui, même si ceux qui ne partent pas dans le sud vont toujours profiter de ce festival via les lives, via les commentaires de Didier Alouche et Laurent Veil, via les avis, les critiques sur Twitter, les débats qui s'enflamment, c'est bien entendu, c'est Cannes, c'est Citizen Cannes, et on est content. Putain. Allez, la roue libre, Citizen Cannes. Et on est content, enfin on est. Moi je suis content. Citizen Cannes. Et donc voilà, présidé cette année par Alejandro González Iñárritu avec en ouverture The Dead Don't Die dont on a déjà parlé et que vous pouvez réécouter. Dont on va parler, je sais pas trop. Donc plusieurs plein de films en compétition très attendus. Cette fois-ci Thierry Frémaux, lui qu'on a souvent dit que son festival était mort parce que Netflix, parce que Venise et tout, bah il a joué, il a un peu invoqué son dragon blanc aux yeux bleus. Oh putain, meilleur ref. Pour tout défoncer avec qui en compétition? Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Xavier Dolan, Céline Sciamma, Matty Diop, Jessica Hausner ou Jessica Hausner, oui, les frères Dardenne. Elias Suleiman, on a déjà dit Matty Diop, Bong Joon-ho, Kleber Mendoza, Chilo et Juliano Dornels, et des nouveaux comme Lajidli du collectif Courtrajmé. J'allais dire collectif métissé, mais c'est peut-être pas le meilleur choix. Non, Jade, ce sera coupé au montage. Et même dans les sélections annexes, hein, certains regards, c'est même de la critique, on avait Bruno Dumont, Albert Serra, Cantemir Balagov, Christophe Honoré, oui. Quentin Dupieux. C'est donc, on peut le dire, cette année Cannes, c'est du lourd. Palme d'Or, un film qui sera l'objet de notre prochaine émission pour le mois de juin, qui est Parasite de Bong Joon-ho. Et rien que ça, bravo. On n'a pas vu le film, mais récompenser Bong Joon-ho C'est méga charmé parce que Bong Joon-ho, on en reparlera, mais c'est une Bong Joon-ho, filmographie c'est de quoi? ouf. C'est Okja déjà. C'est Okja. Film Netflix, et bah tiens, prends ça Thierry Frémaux. Je t'aime Thierry Frémaux, s'il te plaît. The Host, Mother, Memories of Murder surtout. Surtout, oui. J'ai pas vu, mais je dis surtout. C'est un chef-d'œuvre. Ah, voilà. Merci. Le mot est lancé, le mot est dit. C'est, donc voilà, c'est une palme d'or assez rock'n'roll, comme on peut le dire. De film de genre, film grand public, film coréen, film thriller aussi. Et j'ai très hâte qu'on ait ça. Et c'est voilà, donc c'est assez étonnant, enfin étonnant et classe aussi de voir un film pareil remporter la Palme d'Or. Au Grand Prix, on a Atlantic de Mati Diop. D'ailleurs. Petite dédicace au Frénois parce que on vient de Tourcoing, on enregistre à Tourcoing et Mati Diop vient du Frénois. Oh, c'est chambé, je savais pas. Ah bah, je t'aime, Mati Diop. On t'invite cordialement. Prix du jury, Les Misérables de Ladjili et Bakuro de Kleberman de Safilo et Juliano Dornels. Mm-hmm. Prix d'interprétation masculine, et là c'est l'évidence parce que ce sera aussi mon coup de cœur du mois, c'est Antonio Banderas pour Douleur et Gloire. Donc bravo Antonio. De toute façon, on aurait déjà dû t'en mettre un quand Shrek 2 était en compétition en 2004 et que t'as doublé le chapeauté. Il méritait un César, un Oscar, tout, il méritait tout. On a un prix de la mise en scène, là c'est là où ça coince un peu. On a les frères Dardenne pour le jeune Ahmed, qui est, je vais pas y aller par quatre chemins, mais c'est nul. C'est de la merde. C'est très nul. C'est très mauvais. Mm-hmm. Prix d'interprétation féminine. Emily Bicham pour Little Joe de Jessica Osner. Un film avec Paddington et une fleur. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On a eu aussi prix du scénario. Et là, quand on voit les images qui sont à tomber et que les avis ont vraiment voué le film à la Palme d'Or et au prix d'interprétation féminine, on se dit, c'est un petit peu du foutage de gueule, qui est Portrait de la jeune fille en feu. Prix du scénario, c'est quand même bien. Attends. Ça fait un peu prix de consolation quand même. Oui, mais C'est récompensé. Moi, je trouve ça, c'est quand même bien. Genre, et puis, Queer Palme aussi. Queer Palme aussi, effectivement. Bravo. Et voilà, un bref résumé du palmarès. Cannes a aussi lieu son lot d'événements extérieurs à la compétition, ou même intérieurs à la compétition. Donc, on a eu les retrouvailles. The Revival, comme on dit, de la Cité de la Peur et de la Carioca. Origins. Avec Alain Chabat, Gérard Darmon, Chantal Lobby et Dwayne Farrugia qui se sont retrouvés sur scène. Mm-hmm. Alors, ça a un petit peu forcé sur les réseaux sociaux. On va pas. Oui, on va pas se mentir. Que un petit peu beaucoup, voilà, un petit peu forcément... beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. On n'enlève pas du tout. Mais c'était quand même touchant de les revoir tous réunis parce qu'on les aime bien. Il y a eu le scandale cannois, bien entendu. Il en faut toujours un, évidemment. Il en faut toujours un. Et là, c'est 3h30 de clip de Sir Mix-a-Lot et d'Eric Prydz. Enfin, on va vraiment pas voilà. en parler. Mais une personne, personne agace. Voilà. Après. Une personne pas forcément recommandable a ramené son film en compétition cannoise dans un projet non fini. Ça a fait scandale, ça a provoqué l'indignation. Est-ce que c'était pas un petit peu le but en même temps? C'était aussi ce que Thierry Frémaux voulait en faisant parler de Cannes, et il a réussi, donc. Ouais, en même temps, chapeau Titi, et en même temps... fallait que ça arrive. Il faut toujours un petit scandale, un petit truc qui fait parler Cannes. Sinon, c'est pas fun à regarder. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi à Cannes? Il y a eu des jolies robes, des jolies costumes. Il y a eu des jolies robes, ouais. Et bah, c'est un peu tout, on a un peu fait le tour. Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire sur on a eu La quinzaine des réalisateurs. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les films de la quinzaine, par exemple? The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, et par Robert Eggers, le réalisateur de The Witch, qui était génial. Et là, c'est un film en 1.33, format 1.33, en noir et blanc, où c'est deux gardiens de phare au début du... Deux vieux loups de mer, deux capitaines ad hoc qui crient mille sabords. J'espère tellement que c'est ça. Si c'est pas ça, je serais très déçu. Qui se passe des choses cheloues dans un phare. Génial. Ben, moi, ça me vend du rêve. Et... à partir du moment où il y a Robert Pattinson, donc de toute met... façon... Donc, nos attentions mettent plein phare sur ce film. Et... mais dans quoi va jouer Robert Pattinson? Justement, aussi merci de cette transition offerte sur un plateau d'argent. Ça me fait très plaisir que je parle de Robert Pattinson parce qu'une des infos qui est tombée ce mois-ci est l'annonce du casting de Robert Pattinson en Batman. Probablement. Est-ce que c'est, c'est une question que je vais poser. Est-ce que c'est sûr ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore... ça doit être confirmé, mais ça semble bien parti pour voir Robert Pattinson. Parce que vraiment, ce que j'ai lu, les sources et tout que j'ai lu, c'était vraiment genre... C'est bon, c'est signé et tout, mais... Et ce serait charmé. On sait jamais. Évidemment, on parle pas de ça juste pour dire ça. Évidemment, il y a quelque chose derrière, parce qu'on vit en 2019 à l'ère des réseaux sociaux, Snapchat, Jim Jarmusch, tout ça. Donc évidemment. Enfin, ce running gag quoi. Évidemment, oui, parce que attends, la continuité, ça nous connaît, hein, on aime ça, être bien fréquent, tout ça. Bref, évidemment, derrière, après cette annonce, il y a eu nombre de tweets de statuts Facebook de tout, et évidemment j'arrête pas de dire le mot évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer 1€ sur Ulule à chaque fois que je dis le mot évidemment, je serai riche à la fin de cet épisode. On aura le meilleur micro. On aura du meilleur son. Mais donc oui, des pétitions contre le casting de Robert Pattinson, gna gna gna. Soit vous pouvez ne pas aimer ce choix, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez trouver que Robert Pattinson ne ferait pas un bon Batman, qu'il n'est pas à votre goût en tant que Batman et tout. Faudrait nettoyer la merde de vos yeux quand même. Victor toujours dans la finesse et la délicatesse. Mais faire une pétition, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hollywood, la production, les processus de casting, tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça les amis. Et puis aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que Robert Pattinson, c'est un acteur, c'est son travail de jouer des personnages différents. Alors évidemment, il va pas jouer le même Batman que Ben Affleck, que Christian Bale, et il va pas non plus jouer les mêmes personnages qu'il a déjà joué dans High Life, Good Time ou Twilight, parce qu'on n'oublie jamais Twilight, toujours dans nos cœurs. Voilà, parce que Hélène, c'est son travail de donner vie à des personnages différents. Et son travail, Robert Pattinson, il le fait incroyablement bien. C'est un excellent acteur que j'aime de tout mon cœur, que Victor, tu aimes de tout ton cœur. Mais oui, mais passionnément, à la folie aussi, là, c'est... Et Batman, c'est aussi un personnage que j'aime de tout mon cœur, et moi, enfin, peut-être pas de tout mon cœur, mais que j'aime beaucoup. Et je suis très curieuse, peut-être que je suis pas hypée non plus, je suis peut-être pas complètement on board, mais je suis curieuse et intriguée de voir ce que ça va donner. Je peux comprendre qu'on soit pas d'accord, mais faire des pétitions, ça ne sert à rien. Et à savoir aussi qu'à l'époque, il y avait déjà eu des pétitions contre le choix de Michael Keaton en Batman ou de Heath Ledger en Joker. Et vous voyez ce que ça a donné. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est le résultat parle de lui-même. Donc au final, juste pour dire que personne n'est jamais... Enfin, tout le monde ne sera jamais content sur tout et tout le monde ne sera jamais d'accord sur tout. Mais au final, désolé les gars, mais ça n'a pas grande importance parce que si les directeurs et directrices de casting d'Hollywood veulent que Batman, ce soit Robert Pattinson, eh ben ce sera Robert Pattinson. Et c'est d'ailleurs, en parlant de pétition, je voulais juste revenir vite fait sur ça parce qu'on parle de pétition et j'y pense, c'est la pétition pour refaire ou je sais pas quoi la saison 8 de Game of Thrones. Ça non plus ça sert à rien parce que rappelle que les pétitions ça ne marche pas, on se rappellera toujours de la pétition pour refaire ou je sais pas quoi ou annuler ou j'en sais plus The Last Jedi. Hein, voilà, excusez-moi les gars, mais c'est pas parce que genre vous n'aimez pas le fromage que vous allez faire des pétitions contre Carrefour pour qu'ils arrêtent de vendre du fromage. Ça fonctionne pas comme ça la vie. Mettez votre énergie dans autre chose. Après, évidemment, on respecte vos avis, mais bon. D'ailleurs, fun fact, en parlant de Game of Thrones et Star Wars, si les gens qui ont signé la pétition contre la saison 8 de Game of Thrones sont les mêmes qui ont signé la pétition contre la The Last Jedi, et ben ça vous fera très plaisir de savoir que le prochain film Star Wars va être écrit apparemment par les scénaristes de Game of Thrones. Donc, sorry les gars. Est-ce que t'as quelque chose à dire sur Robert Pattinson, Victor? Très bon acteur. T'as tout dit. Est-ce que t'es d'accord ou pas d'accord sur ce système de pétition? Est-ce que tu trouves que ça sert à quelque chose ou pas? Trouvez-vous une vie, les gens, putain, hein, sérieux. J'essaie d'être dans la finesse, dans la demi-mesure et tout. Non, bon. Bon, franchement, Non, mais c'est vraiment un phénomène qui m'exaspère, que je comprends, parce que... Que je comprends. On comprend, non, mais que je comprends. Je comprends pourquoi il y a des faits, il y a des pétitions en masse. C'est logique, c'est vraiment ce truc qu'on a, c'est des réseaux sociaux à poster son avis sur tout. Bah oui, on peut donner notre avis, mais non, mais c'est très bien. Là, mais franchement, moi, il y a un truc qui m'inquiète et je vais parler, je vais faire référence à un autre film qui subit et qui a subi le même travers. Et là, cette fois-ci, il y a une des conséquences. C'est de Sonic, ouais. Et je suis assez scandalisé en fait de. Non, mais personnellement, j'estime que les fans peuvent se réapproprier les fictions, peuvent se réapproprier évidemment, les univers. Évidemment, parce que c'est grâce aux gens qui regardent que ça existe. Exactement, c'est comme ça que ça se crée, c'est comme ça qu'une série perdure. C'est pour ça qu'il y a eu Game of Thrones 8 saisons, c'est pour ça qu'il y a eu Star Wars. Mais d'un autre côté, les fans ne doivent. Il y a vraiment une tendance, moi, qui m'inquiète. C'est de penser que les fans penser que les créateurs leur doivent quelque chose en fait. Mmh. Et c'est pas parce que ce sont des œuvres commerciales certes, mais ça part aussi d'intention artistique. Oui, et ils doivent respecter ça. Je vois ton... Et ils ne doivent pas manipuler ça. C'est le choix de l'interactivité de la conversation ne doit pas exister, on doit proposer les œuvres telles quelles. Parce que et c'est là où va être créé le débat. Et comment ? Là, alors, le cas de Sonic, par exemple... Alors, je suis d'accord, il était chum. C'était horrible. Mais de là à mettre la pression sur les producteurs qui, eux-mêmes, vont mettre la pression sur ceux qui vont animer Sonic, c'est scandaleux. Il faut que les fans se... J'ai l'impression que les fans ne se préoccupent pas de ça et se disent il faut se rendre compte que derrière il y a des gens qui travaillent et qui ont des vies aussi. Mais maintenant, comme on pense que les œuvres sont instantanées, qui sont livrées sur Netflix dans ton salon et que ils arrivent comme ça, on sait pas, il n'y a pas de rapport humain. Et moi, je trouve que vraiment c'est mis un discours de vieux con, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais j'assume totalement. Hein, je suis un vieux con. Non, mais enfin, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu d'accord dans le sens où ça reste un échange et tout. Maintenant, c'est génial qu'on puisse donner son avis sur tout et à n'importe quel moment. Et enfin, voilà quoi. Ouais. Mais calmez-vous, hein. Calmos, les amis. Calmos, hein, ouais, clairement. Surtout que, en vrai, enfin. Prenez pas ça trop au sérieux, c'est des films. C'est Sonic, c'est Batman, prenez pas le pas trop au sérieux. Pas. Et puis vos pétitions, désolé de vous le dire, mais ça ne servira à rien parce que les gens avec les poches pleines d'argent, qui font les castings, qui font les films et tout, ils s'en foutent un peu, je pense. C'est que mon avis, je suis pas dans la tête. Sinon, pour un truc peut-être un peu plus light, si vous attendez beaucoup le prochain film de James Bond, que moi personnellement j'attends beaucoup parce qu'évidemment. Ouais, mais moi j'attends. Et vous devrez attendre peut-être 2 semaines de plus que prévu parce que Daniel Craig, il s'est blessé comme un con et du coup le tournage est reculé de 2 semaines. Mais apparemment la sortie est toujours prévue pour avril 2020. On sait pas, on verra. Avril 2020 ? Oui. Oh la vache. On espère, on vous en dira plus en avril 2020 si cette émission existe toujours. Et sinon, une dernière petite actu du mois qui vient de tomber aujourd'hui même. Et. Si vous aimez la saga, que dis-je la saga, c'est même plus une saga, ça s'étend au-delà du cinéma, au-delà des frontières, au-delà de la culture. Si vous aimez Alien, et ben vous serez ravis, d'autant plus si vous aimez les préquels. Oui, des chefs-d'œuvre incompris qu'on a tous un peu craché sur Alien Covenant et Prometheus à leur sortie, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en y repensant, ce sont des grandes œuvres autodestructrices, passionnantes. Pas sûr. Si vous avez beaucoup aimé ces films, vous serez ravis d'apprendre que, je sais pas si c'est sûr ou si c'est qu'une rumeur, je sais pas, j'ai pas trop lu de choses, j'ai pas trop eu le temps. Ridley Scott apparemment va réaliser la suite de Prometheus Alien et de Covenant qui s'appellera Alien Awakening. Wow, ça fait peur. Ça fait vraiment. Gros film d'action bien chamé, donc moi j'aime beaucoup Alien, j'ai pas vu Covenant et j'ai pas vu Prometheus non plus, mais j'ai peut-être que quand ce troisième volet de cette trilogie préquelle sortira, je me ferai les trois d'un coup et je suis très curieuse de voir ça. Est-ce que tu as d'autres actus du mois de mai à nous partager, Victor ? Non. Moi, j'ai une dernière petite actu, c'est pas cinéma, mais on est très déçus que Bilal n'ait pas gagné à l'Eurovision, mais on l'aime quand même. Ouais, On est parce très que fort, c'était très quand même fiers de très lui. nul, hein, les Pays-Bas quand même. Mais on est très fiers de Bilal et on t'aime et on t'invite cordialement, peut-être un jour, si t'as envie de parler de ton film préféré. Et on passe tout de suite à nos recommandations du mois de mai. C'est la solution de tous nos problèmes. Chim, c'est impossible, on ne pourra jamais... Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Victor, est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations? Alors là, j'en aurais qu'une seule, c'est mon, ce qui est pour l'instant mon film de l'année, rien de ça. L'année carrément, c'est de l'année film carrément, c'est ben, on a parlé de Cannes et c'est le nouveau film de Pedro Almodovar, Douleur et gloire, que voilà, c'est une autobiographie teintée de fiction du réalisateur ou qui est joué sous les traits d'Antonio Banderas, qui était récompensé à Cannes pour rappel. Et voilà, c'est vraiment un film de l'émotion où on, en sobriété totale, on a les larmes qui coulent, c'est beau à regarder, on se sent dans un petit cocon quand on regarde le film. Voilà. C'est pas trop déprimant ? Non, je dirais même que c'est même un film plutôt... Ça, non, peut-être pas, mais qui parle de la manière de se relever en fait, et c'est très fort, je trouve. Il y a quand même de l'espoir et de l'optimisme, et c'est beau à regarder surtout. Et qu'est-ce que ça raconte exactement? C'est la vie donc de Salvador alias Pedro Almodovar, qui, ouais, c'est semi-autobiographique. Voilà, qui galère parce qu'il n'a plus la force physique de tourner. Puisque bah, il a trop de douleurs corporelles en fait et physiques, et il est bouffé par des regrets, et en se remémorant des souvenirs en même temps qu'il va tomber dans une addiction à l'héroïne, il va replonger dans ses souvenirs d'enfance, dans ses souvenirs de cinéaste, et il va être confronté à son passé et dans des scènes absolument magnifiques. Il y a une scène de retrouvailles avec un ancien amant qui, moi, il y a le plus beau baiser de l'année dans ce film. J'ai trouvé ça de douceur, c'est très doux, amer en fait, mais j'ai trouvé ma séance complètement magique en fait. Voilà. Et ben, tu donnes très envie de voir ce film. C'est quoi, quels sont tes recommandations? Ma recommandation, je vais faire alors. Nous étions avec Amaury juste avant, et qui n'a pas pu être là pour ce podcast, mais il voulait quand même nous faire part de sa recommandation, et c'est aussi un petit peu la mienne parce que, et de la tienne aussi. Oui, c'était très chouette. On a tous aimé ce film, et c'est Séduis-moi si tu peux en français, Long Shot, titre original, qui est la rom-com entre Charlize Theron et Seth Rogen, écrite par, j'ai oublié le nom du mec, le gars qui a fait 50-50, enfin réalisé et écrite... Jonathan Levine. Exactement, merci Victor, et qui est, moi qui déteste les rom-com, génial. Franchement, c'est super drôle, c'est super touchant, c'est très réaliste, enfin, dans la mesure du possible, mais je veux dire, les personnages sont... c'est des vrais gens, quoi. Et c'est super cool, et là, pour le coup, c'est très feel-good, et c'est génial. Allez le voir s'il est encore en salle, ça m'étonnerait, mais il doit être dispo quelque part sur les internets. Il est, franchement, 10 sur 10. Ouais. Mais sinon, ma recommandation à moi, c'est un film qui n'est pas sorti en France à part sur Netflix, il me semble, et c'est Booksmart, le premier film d'Olivia Wilde, numéro 13 dans Doctor House, vous avez la ref, avec Binnie Feldshine et Kathleen Dever. Désolée, j'ai oublié son nom, mais... Kathleen Dever. Ça, c'est un truc du genre, bref, voilà. Et qui, avec aussi Noah Galvin et Molly, je ne sais plus son nom, bref, voilà, j'ai une très bonne mémoire des noms de famille, comme vous pouvez le constater. Et c'est un teen movie comédie sur ses deux meilleures amies qui ont passé en gros toutes leurs années lycée à être super sérieuses, à faire leurs devoirs et tout, parce que bah, elles sont comme ça, elles aiment ça et tout, et elles voulaient rentrer dans des grandes écoles. Elles sont très engagées, très intelligentes, très comment dire, des bonnes élèves, et qui vont se rendre compte qu'en fait, bah, tous leurs camarades qui eux sont des gros teufeurs et tout, qui font vraiment des ados clichés de films américains, eux aussi, ils sont rentrés dans des grandes écoles, dont à Yale, à Harvard et à plein de trucs à comme Google. Ça. À Google même, il y en a un qui a un stage à Google, et du coup elles se rendent compte que bah merde, même les gens qui ont fait la teuf, qui n'ont pas sacrifié entre guillemets autant qu'elles, et ben ils arrivent quand même à aller dans des grandes écoles et avoir des potentiels à venir. Et du coup elles se disent bah ouais, mais personne sait qu'on est marrante, personne, on n'a jamais brisé de règles, on n'a jamais fait rien de conventionnellement fun, on n'a jamais été à des gros stuff et tout. Et du coup elles vont décider de faire tout ça en une soirée, la soirée avant la graduation, donc la remise des diplômes. Et c'est juste hyper drôle, c'est frais, c'est marrant, c'est bien écrit, il y a des idées de mise en scène super intelligentes et super jolies. Les personnages sont super attachants, tous, mais pas que les deux personnages principaux, tout le cast, en fait, c'est un ensemble. C'est vraiment le propos du film, en fait, que oui, moi, ça. je l'ai vu aussi, du coup, et j'ai le même avis que toi. C'est que, et moi, ce qui m'a vraiment touché dans ce film, et c'est vraiment aussi quelque chose auquel j'ai vraiment me suis identifié, en fait, au film, c'est vraiment ce côté où Olivia Wilde, elle aurait... Non, si ça n'avait pas été réalisé par Olivia Wilde, ça aurait pu être réalisé par quelqu'un qui a fait une comédie standard. Bah, tous les personnages que les deux héroïnes pointaient du doigt au départ seraient restés méchants et tout. C'est pas manichéen. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être ça. Alors, il y a le crush du personnage de Beanie Feldstein. Ouais, J'ai vraiment pensé que ça allait être un fuckboy complètement... Ouais, mais en fait, non, il est trop... Et en fait, il est juste super sympa. Et même le moment où il cause du tort à l'héroïne, c'est même pas techniquement de sa faute. Il a rien fait et non, tout. Il fait rien de méchant. Ouais, il fait rien. Et ils sont tous adorables, ces personnages. Ouais, toute la bande, en fait... Tout le casting, tout l'ensemble est cool. Et même si au début ils te les vendent un peu, tu sais, c'est un peu genre les intellos contre les jocks et les cheerleaders et les meufs qui couchent à droite à gauche. Et il y a le gars qui fait du théâtre qui est trop drôle, là, Noah Galvin. Chaque réplique me fait mourir de rire. Et en fait, au final, peut-être un petit peu spoiler de dire ça, mais je veux dire, au final, t'apprends des choses sur tous les personnages et tu te rends compte que c'est des personnes, quoi. Ils sont pas unidimensionnels, et c'est ça qui est vachement cool. Et un dernier truc que je voulais dire sur ce film, c'est que ça fait... c'est Olivia Wilde qui l'a réalisé, et ça a été écrit par 3 ou 4 scénaristes, donc des femmes, et ça a été écrit déjà, je crois qu'il y a une dizaine d'années, et elles ont commencé le scénario, donc c'est quand même un projet de longue date. Mais du coup, c'est hyper fidèle à une expérience de lycéenne, en fait. Plus que de un peu dans souvent les comédies de teen et tout, ça va être, on va suivre des mecs, tu vois, et là on suit deux meufs, c'est réalisé par une meuf, c'était écrit par des meufs, donc elles savent de quoi elles parlent. C'est pas un mec qui essaie de raconter une histoire de meuf et qui, même s'il a toutes les bonnes intentions du monde, va être un peu maladroit. Là c'est vraiment réel, quoi. Et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, parce que j'avais l'impression, peut-être pas l'impression de me voir parce que j'ai pas fait une grosse stuff comme ça en terminale, mais enfin, je pouvais facilement me dire ça pourrait être moi, tu vois, et je trouvais ça plus attachant du coup parce que c'était plus proche de moi. Et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, qui est direct dans mon top, j'ai arrêté de compter mon top de film, mais qui est direct dans mon top de film préféré de toute la vie. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce mois de mai, Victor, qui fut bien fourni? T'as tout dit sur Booksmart. Alors moi je rajouterais juste que si vous avez kiffé, vous avez découvert Beanie Feldstein, enfin... Regardez Lady Bird. Alors, non, mais pas, alors, tu vois, j'allais pas seulement dire Lady Bird, tu vois. Prise à mon propre voilà. Jeu, pour cette médisante, voilà ce qui voilà arrive. J'allais regarder, en ce moment, il y a la première saison d'une série de What We Do in the Shadows. C'est vrai qu'elle est dedans. Le film adapté de... La série adaptée. La série adaptée du film Vampire en toute intimité. Et In the Shadows en titre original. Et elle joue dedans, elle est très amusante. Et je l'avais trouvée géniale aussi dans Lady Bird, mais aussi dans Nos Pires Voisins 2. Oui, c'est vrai qu'elle est dedans, Déjà que le film, je l'avais trouvé très chouette. Moi, j'avais été le voir parce que j'avais une amie fan de Zac Efron qui m'avait forcé temps, à aller le en voir. En même temps, et normal. Ça très marrant, mais, normal, fan de Zac Efron. Oui, c'est vrai, je comprends. Je comprends. Et non, mais c'est très chouette, Booksmart. Il y a aussi. Après, c'est parce qu'il me semble que c'est le mec de Olivia Wilde. Mais il y a Jason Sudeikis dedans. Qui joue le principal. Et je suis toujours content de voir. Mais le casting est vachement cool. Bon, ouais. La Billy Lord, elle est géniale aussi. Oui, elle est trop. Même tous les mêmes. Ouais, personnages, ils sont tous géniaux. On dit qu'ils sont tous géniaux parce qu'on parle du film et mais qu'on aime bien. Mais tout est 10 sur 10, allez voir ce film. Mais d'ailleurs, en parlant de la 10 BO, sur 10, la BO, oui, la BO aussi. Est trop bien. D'ailleurs, en parlant de 10 sur 10, de 5 étoiles, si vous voulez nous laisser des étoiles, comment elle grappine. La transition ici. Si vous voulez nous laisser une note, ça peut être 5 étoiles, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être ce que vous voulez, sur Apple Podcast, sur iTunes, sur n'importe où, et bien vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages sympas ou pas sympas, on s'en fout, ça nous fait quand même plaisir, ça veut dire que vous pensez à nous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.